Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Alors, on parle régulièrement, on ne va pas l'oublier pour autant Valérie Allan, mais on parle régulièrement d'Émilie Rousset, donc venons-en à vous, au sujet du spectacle Les Océanographes, autour d'Anita Conti, qui fut la première femme océanographe française, qui au départ c'était pour un travail plus scientifique, d'observation scientifique, et qui avait l'habitude de noter, prendre beaucoup de notes, et surtout de photographies. Vous vous êtes appuyé sur sa personnalité, sur ses observations pour faire votre spectacle. Alors, Louise Aymon et moi-même, on a découvert Anita Conti. En fait, on faisait des recherches autour des rituels maritimes et on a découvert un film à la Cinémathèque de Bretagne qui montrait en fait un rituel qui s'appelle le baptême de Neptune que les marins font lorsqu'ils passent la ligne de l'équateur ou la ligne du pôle. Et en fait, les marins se déguisent en Neptune, en la femme de Neptune, en animal marin ou... plus fantasmagorique, et il y a toutes sortes de célébrations, c'est entre le carnaval et le bizutage, et on tombe sur des images filmées en Super 16, et ces images ont sont tout à fait surprenantes, il y a des déguisements, il y a un baiser entre marins, une espèce de fausse cérémonie, et ont une charge poétique très très forte. Et on regarde qui est derrière la caméra, et on découvre le nom d'Anita Conti, et on découvre le parcours de cette femme qui, en fait, s'est embarquée seule avec plus de 60 marins pour des campagnes de pêche qui duraient plus de 6 mois. En fait, personne ne ramenait ce genre de documents parce que personne ne voulait s'embarquer sur des bateaux sans savoir quand était la date de retour, puisqu'en fait, les bateaux revenaient quand les cales étaient pleines de morues. Alors, effectivement, ces observations, voire ces images dont il est question, vous disiez, c'est pas de la simple photographie. D'ailleurs, pour ceux qui ont écrit à son propos, ils disent d'elle que c'était, pour elle, la photographie était un moyen de traduire toute la magie, la poésie, la liberté qu'elle ressentait elle-même lorsqu'elle était sur l'océan, à tel point qu'elle avait vraiment une totale passion non seulement pour l'océan, mais aussi pour la poésie. Oui, c'est une scientifique, mais qui s'est formée en fait avec des précepteurs, c'est aussi une femme du siècle dernier et du début du siècle dernier, donc qui n'a pas eu le label académique de scientifique, mais qui s'est formée et qui a apporté beaucoup d'éléments en fait et d'observations scientifiques. Mais c'est aussi quelqu'un d'une grande liberté qui a ramené des films, des photographies, des écrits. Il y a un livre qui s'appelle Racleur d'océan, dont on utilise des parties dans la pièce et qui était un best-seller dans les années 50. C'est une femme qui a eu... moi, je fais un travail artistique à partir d'archives et de matières documentaires. Et en fait, quand on a découvert Anita Conti, on a découvert une somme d'archives incroyables. Et il se trouve que, comme beaucoup de femmes de sa génération, elle a aussi été invisibilisée par l'histoire parce qu'elle a un apport considérable. Elle a une production sur plusieurs sujets et médias considérables. Elle travaillait avec Cousteau, elle travaillait avec Pain Levé, mais ce n'est pas forcément d'elle dont on se souvient aujourd'hui. Alors, on la surnommait, la Dame de la Mer, pour ceux, effectivement, ceux qui veulent rétablir cette réalité, la place qui était la sienne dans ce milieu. Elle aimait à se décrire comme une océanologue, à tel point qu'elle parlait de l'océan comme de son amour de toujours, c'est dire la passion et pas simplement l'observation qu'elle avait pour l'océan et les océans. Je disais tout à l'heure aussi, on pouvait dire d'elle qu'elle était l'une des toutes premières lanceuses d'alerte sur la surexploitation des océans et donc des espèces. Oui, Anita Conti est une des premières à alerter sur les méthodes de pêche, sur aussi tout ce qu'on appelle la mauvaise pêche qui était rejetée à la mer, puisque la pêche au chalut, c'est une pêche un peu à l'aveugle, en fait, on ne voit pas ce qu'on pêche et on fait le tri sur le pont. Or, il y a beaucoup de mortalité et il y avait beaucoup de rejets, surtout quand les techniques de conservation étaient le salage et n'étaient pas la conservation par le froid. Anita Conti, en fait, alerte et développe aussi, elle dit on ne peut pas faire que prélever sur la terre, on cultive, sur la mer on ne fait que prélever. Donc elle a aussi développé des techniques de conservation du poisson, mais aussi des techniques d'élevage Elle a été une des premières à développer des fermes, en fait, de poissons et d'élevage de poissons. Et elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup alerté, quitte à se faire des ennemis, des armateurs qui étaient aussi ses amis puisqu'elle embarquait sur ses bateaux. Mais oui, c'est une précurseuse de l'écologie. Vous nous parlez du dispositif théâtral qui est en place pour ce spectacle, à la fois des images filmées, on s'en doute, et aussi parce que quand on parle d'Anita Conti, c'est carnets de bord, c'est carnets non pas de voyage mais de bord, avec effectivement des journaux de bord, donc qu'on va peut-être retrouver sur scène, en tout cas illustrés par des journaux de bord également. Oui, alors qu'est-ce qu'on voit sur le plateau ? Donc, comme je le disais, la manière qu'on a, Louise et moi, d'écrire et de composer un spectacle, c'est à partir de cette multitude d'archives. Donc, on a commencé par se plonger dans tout ce que nous offrait Anita Conti. Donc, il y a Saadia Bentayeb sur scène, qui est une actrice que vous avez peut-être pu voir chez Joël Pomera. Il y a Antonia Burezi. Saadia Bentayeb incarne, joue Anita Conti. Son texte est composé d'interviews d'Anita Conti et d'extraits littéraires d'Anita Conti. On utilise aussi les images Super 16 d'Anita Conti qui sont le point d'entrée en fait pour nous dans la rencontre avec cette figure. Et Louise et moi avons eu envie aussi d'aller plus loin, enfin en tout cas d'aller jusqu'à aujourd'hui à partir de la figure d'Anita Conti, et on a été interviewé des océanographes contemporains et contemporaines. Donc Antonia Burezi incarne aussi la parole de ces océanographes contemporaines, et une des lignes qui traverse le spectacle, c'est celle de l'image et de l'utilisation de la caméra. C'est-à-dire, Anita Conti filme sur le pont à son époque. Ensuite, les techniques nous ont permis de filmer sous la mer. Aujourd'hui, carrément, on remonte la donnée grâce à de l'intelligence artificielle, et les images ne remontent plus, mais c'est de l'analyse de données qui est remontée. Notre interrogation artistique, on va dire, c'est un peu de se demander si, quand on ne voit pas ou quand on voit grâce à la caméra, qu'est-ce qui se passe avec le mystère, qu'est l'océan, toute cette fantasmagorie aussi de ce milieu qui n'est pas le nôtre. Et c'est un voyage comme ça, autour de l'image et des images qu'on se fait. Mmh. Vous avez cité les deux comédiennes, en effet. À la musique, une autre femme, Julie Normal. Julie Normal, qui joue des ondes Martonneau. Les ondes Martonneau, c'est un instrument du début du siècle. Monsieur Martonneau a inventé cet instrument parce qu'il travaillait dans les radios, dans la radio qui permettait de communiquer pendant la guerre. Mmh. Et c'est à partir des ondes radio qu'il a créé cet instrument, qui est un clavier. Mais pas qu'un clavier, il y a aussi une bague. C'est un instrument très spécifique. Il y a très peu de joueurs et de joueuses d'ondes Martonneau dans le monde. Et c'est un instrument, on a eu envie de la musique de Julie Normal et des sonorités très singulières de cet instrument, parce que ça nous évoquait aussi le monde de l'océan, le monde du bateau, les radios de bateau. Et il y a donc la composition de Julie Normal et la présence de Julie Normal. Et il y a aussi, on a aussi travaillé avec une scénographe qui s'appelle Nadia Lauro, qui est une scénographe qu'on admire beaucoup, Louise et moi, et qui a un travail très plastique, qui n'est pas dans la représentation, donc elle ne représente pas directement un bateau ou la mer, mais grâce à des piles démesurées d'archives, qui est le point de départ de notre travail avec Louise, d'écriture, elle nous figure un monde marin fait de coraux, de rochers, le vent, il y a toute une dramaturgie du vent aussi qui traverse l'espace scénique, parce que les marins en fait ont très peu à faire avec l'eau, quand on est dans l'eau c'est trop tard, c'est un risque de mort, c'est aussi un monde dont il faut maîtriser le vent. Je disais tout à l'heure, je parlais de poésie, effectivement, en parlant d'Anita Conti, dans ses carnets de notes se cachait une de ses passions, la poésie. Si vous me permettez, je vais extraire l'un de ses poèmes pour confirmer et donner à entendre son écriture sur les ondes de RGB, justement, sur des flots immensément pareils et sans fin dissemblables, vers les horizons qui reculent, vers les étoiles qui vont naître, vers l'infini du bleu qui va noircir, un navire emporté jusqu'au bord du ciel, de ses parois de fer, il déchire les eaux et moi, en lui prisonnière. poésie d'Anita Conti pour dire effectivement qu'elle avait une vraie passion pour les océans. Alors, est-ce que c'est un spectacle pour nous éveiller à l'écologie, pour faire un raccourci, et surtout en cette période que je qualifiais tout à l'heure de préélectorale, est-ce que c'est un spectacle indispensable à voir, même si on est déjà éveillé à ces préoccupations ? Ben moi, je fais des pièces de théâtre, je suis sensible à ce sujet, mais j'écris pas des tribunes et je fais pas de la politique. Après, on est le relais d'une parole scientifique, j'utilise la parole scientifique, mais je la mets en scène dans le cadre d'une pièce de théâtre. Donc c'est aussi comment, quand on écoute de manière poétique et en éveillant l'imaginaire autour de ces paroles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on s'interroge collectivement. Spectacle Les Océanographes, spectacle qui sera présenté à Point Commun, la nouvelle scène nationale, au Théâtre 95 à Cergy, les 24 et 25 novembre prochains, puis au Figuier Blanc à Argenteuil, le 3 décembre 2021. Merci, Émilie Rousset.